Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 4 juin dont voici les grandes articulations. Les Inhamba Murugamba de l'équipe nationale du Burundi viennent d'être battus par 2-0 par les Lions de la Teranga du Sénégal. L'entraîneur de l'équipe nationale, Alain-Olivier Nyungeko, estime que la différence entre les deux équipes est au niveau de l'expérience. Après que le premier vice-président de l'Assemblée nationale ait été empêché de faire des descentes dans certaines communes des provinces Chibitoki et Karusi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur fait savoir que les gouverneurs n'ont violé aucune loi, alors qu'au parti Sawanya Frode Wunyakuri, l'événement est qualifié de faiblesse des institutions. 4 personnes de la commune Gishubi en province Gitega sont déjà mortes de paludisme. La conseillère socio-économique et de l'administrateur dans cette commune demande au gouvernement burundais d'envoyer plus de médicaments. Bienvenue dans les détails. Ce journal est mis en onde par Albert Ndouayo. À la présentation, Mireille Kanyange. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter ce journal. C'est une première dans l'histoire de l'administration au Burundi qu'un gouverneur de province puisse annuler la visite d'un vice-président de l'Assemblée nationale dans une localité quelconque. C'est la réaction de Isange Ndakumana, ex-secrétaire général du parti Frode Wunyakuri, sur les récentes annulations des visites d'Agathon Rwasa, Karusi et Chibitoke. Et il a dit ce samedi au cours de l'émission Mosaïque. Regardez, où avez-vous vu, où avez-vous entendu un gouverneur de province empêcher un vice-président de l'Assemblée nationale de visiter une commune ou des communes? Ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est pas de la faiblesse des institutions? C'est aussi une des conséquences. Oui, c'est une conséquence, bien sûr. C'est parce que maintenant, c'est comme ça, on domine tout. Il n'y a pas de voix discordante. On est de l'État, certes. Qui est là, qui est l'œil et l'ouïe du chef de l'État. Dire, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, je vous interdis. C'est quoi ça? Où est finalement la séparation des pouvoirs? Quel rapport aujourd'hui y a-t-il entre l'exécutif et l'Assemblée? Quel rapport? Est-ce que ça, ce n'est pas de la faiblesse des institutions? C'est quoi? Et de son côté, l'assistant du ministre de l'Intérieur réplique en indiquant que les gouvernants n'ont violé aucune loi parce qu'après le travail que l'Assemblée nationale avait programmé au cours de ses descentes, les populations se seraient comportées comme si c'était des meetings des partis politiques, alors que Amizero ya Barundi n'est pas un parti politique mais une coalition qui n'est autorisée que dans les élections seulement. Terence Nahiraj, assistant du ministre de l'Intérieur, l'a indiqué aussi ce samedi dans l'émission Mosaïque. Gouverneur de province qui empêche un vice-président. Avant de lancer de tous les propos, il faut savoir que s'est-il passé. Je connais ce qui s'est passé là. Alors, vous, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un exemple. Vous dites une qu'est-ce réalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une réalité. Oui. Il y avait un programme de visite des élus qui sont en vacances, les députés et parlementaires. Chacun dans sa province. Alors, il y avait une équipe, les parlementaires natifs de la province, il y avait aussi le premier vice-président de la République, et qui avait un programme de visiter les élus locaux, faire des réunions, la population visiter certains lieux, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Ils ont fait un travail impeccable, jusqu'à peut-être à midi 13h. Mais dans l'après-midi, il y a eu ce qu'on appelle les meetings d'un parti politique qui n'existait pas. Voilà. Écoutez, merci de l'information. C'est ça que je vous donne. Parce que parmi les grands partis politiques que nous avons, lequel? Quel est ce parti qui a fait le meeting? Il y en a qui commencent à confondre une coalition à un parti politique. Quel est ce parti? Dites-nous la réalité. Ce n'est pas un parti. C'est pas un parti. Ils ont dit qu'ils représentaient un organe qu'on appelle Amizero. Ils avaient mobilisé les membres. Ils étaient en train de danser. C'est comme la campagne électorale. Or, la constitution article 81, il dit que pendant les élections, c'est là où il y a les coalitions. Les élections terminées, il n'y a plus de coalition en principe. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un dossier d'un parti à Amizero ya Barundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ce journal se poursuit. 19 élèves du lycée Mourambia soupçonnés d'avoir falsifié la photo du président burundais dans les livres d'école ont été arrêtés, mais 8 mineurs ont été libérés. Précision du gouverneur de la province Muramvya, après une réunion tenue de ce vendredi soir entre l'administration provinciale et certains directeurs d'école. Emmanuel Niyungeko indique que des séances d'éducation à formation patriotique vont être organisées. Suivez Emmanuel Niyungeko, gouverneur de la province Muramvya, joint au téléphone par Médar Niyonguru. Nous nous sommes entretenus avec les élèves. Chose bonne, c'est que la grande partie des élèves étaient restés à l'école au moment où une petite poignée d'élèves s'était rendue dans les rues. Et parmi ceux qui s'étaient rendus dans les rues, regrettaient d'avoir été entraînés dans des situations qu'ils ne maîtrisaient pas parce qu'ils pensaient qu'un élève ne peut pas être poursuivi par la justice. Mais après avoir leur montré leur mission et le rôle des différentes institutions burundaises, ils ont fini par comprendre que finalement, ils ont été induits en erreur. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes convenus qu'ils vont venir lundi avec leurs parents pour qu'on puisse échanger sur la situation et amener tout le monde à jouer la responsabilité qui lui revient. Lorsque aujourd'hui un enfant, un élève se donne le droit de facilité une photo d'un chef d'État qui qu'il soit, c'est-à-dire que demain il ne va pas non plus respecter les parents, encore moins les enseignants, ce qui conduirait à une dérive éducative dans notre province, même dans notre pays. Il y a des élèves qui ont été arrêtés pour des enquêtes. Ils sont au nombre de combien? Et puis qu'est-ce que vous préconisez faire après? Comme vous le dites, parmi les élèves qui sont soupçonnés d'avoir commis ces actes, ils sont au nombre de 19 déjà arrêtés, mais 8 parmi eux ont été libérés parce que des mineurs, au moment où les autres sont encore dans les mains de la justice pour pouvoir savoir plus, voir s'il n'y aurait pas des personnes qui téléguideraient ce mouvement ou bien cette attitude pour détruire l'éducation des jeunes enfants burundais. D'abord, nous comptons, comme nous avons déjà commencé à organiser des réunions, malheureusement, c'est que d'ici 3 jours, 4 jours, ils vont commencer les examens. Mais heureusement que pendant les grandes vacances, nous allons organiser dans toute la province des séances d'éducation, formation patriotique et au civisme. Je pense que c'est une occasion favorable pour pouvoir échanger à ces enfants futurs cadres de ce pays, futurs responsables nationaux et internationaux. Nous aurons l'occasion de leur montrer leurs valeurs culturelles, mais leurs valeurs personnelles pour pouvoir réussir la vie et être modernes dans l'avenir, dans le monde entier. Emmanuel Niyungeko, c'est le gouverneur de la province Muramvya. Et concernant justement cette falsification de la photo du président burundais, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, appelle les élèves à la vigilance et de ne pas céder ni à la violence ni à la manipulation. Suivez Maître Jacques Nshimirimana, président de cette fédération. L'école, c'est un milieu de socialisation, comme la famille. Donc, l'enfant appartient avant tout à la famille. L'enfant appartient à sa famille. Donc, les parents ont un devoir philanthropique d'assurer une éducation de qualité à leurs enfants. Donc, un enfant qui ose falsifier une photo d'un chef de l'État, ce qu'il peut oser, ce qu'il peut être capable même de dire à son père, « Tu n'es pas mon père. » Donc, nous lançons un appel vibrant aux parents de prendre du temps suffisant pour discuter, pour échanger avec leurs enfants et pour inculquer en eux des valeurs de paix, des valeurs de tolérance, des valeurs d'acceptation mutuelle. Un chef de l'État, une fois qu'il est appelé ainsi, c'est un père de la nation. Donc, un élève n'est pas un politicien qui doit dire n'importe quoi au chef de l'État. Mais nous savons que, c'est vrai, ces élèves, certains sont des membres actifs des partis politiques, mais à l'école, au moment où ils portent toujours la casquette d'élève, ils ne sont pas autorisés à faire n'importe quoi et surtout à faire outrage au chef de l'État. Donc, nous appelons les parents à prendre vraiment du temps suffisant pour inculquer des valeurs humaines à leurs enfants. Et nous avons profité de l'occasion pour demander au ministre de l'Éducation de lever la sanction prise à l'endroit des enfants qui ont commis cet acte ignoble. Et nous avons également demandé à la police nationale qu'au moment de l'accomplissement de leur mission d'assurer la sécurité publique, qu'ils fassent preuve de leur professionnalisme en respectant des dispositions des conventions internationales que le Burundi a ratifiées, notamment en protégeant des lieux comme les écoles, comme les hôpitaux, etc. Jacques Nshimirimana, c'est le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. Pour rappel, des élèves de l'école de Ruziba en province Bujumbura avaient été renvoyés pour falsification de la photo du président burundais et n'ont regagné l'école que jeudi de cette semaine. Page santé, 4 personnes sont déjà mortes de paludisme en zone Mugabira, commune Rushubi de la province Gitega. Et bien que cette maladie aille en augmentant dans cette localité, on ne peut pas parler d'épidémie, dit la conseillère socioculturelle de l'administrateur d'Oguichoubi, tant que le ministère de la Santé ne l'a pas encore déclaré comme épidémie. Floride Nahabandi demande au gouvernement burundais d'augmenter la quantité de médicaments, nous dit Arthur Kavabushi. Même si la conseillère de l'administrateur communal à Guichoubi dit que la malaria qui s'y trouve n'est pas encore de l'épidémie, elle affirme que cette maladie va en augmentant. La conseillère de l'administrateur indique que quand la population se rend à l'hôpital, il est très difficile de leur servir du fait que même les médicaments qui étaient prévus pour une période de 3 mois ne durent qu'une seule semaine alors que ça prend du temps pour se réapprovisionner. À côté des médicaments, la conseillère de l'administrateur de Guichoubi demande à l'État de leur envoyer des experts afin qu'ils fassent des recherches pour connaître la cause de cette malaria, du fait que même si quelqu'un s'est fait bien soigner en ayant terminé la cure complète, il redevient malade après 2 ou 3 jours. Cependant, la conseillère de l'administrateur de Guichoubi fait savoir que l'administration à la base a effectué des visites dans différents ménages et qu'ils ont constaté que la population utilise bien la moustiquaire imprégnée d'insecticides, à part que les moustiquaires qui ont été distribués récemment sont de petite taille et ne peuvent pas être suspendus sur l'Odi. Aredman André habite sur la colline Mouagazé, zone Mugavira. Il dit qu'actuellement beaucoup de personnes souffrent de la malaria et qu'il y en a qui en meurent. Comme il le fait savoir, 4 personnes sont mortes cette semaine. Il s'agit de 3 enfants et d'une femme. Ce citoyen indique également que si on n'augmente pas la quantité des médicaments, d'autres personnes vont y rester. Sachez que la situation était le cas d'Ichoui au moment où la quinine injectable, souvent utilisée dans le traitement de la malaria, devient de plus en plus rare. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Et page sport, les Intamba mu Rugamba du Burundi viennent d'être battus par 2-0 par les Lions de la Teranga du Sénégal. L'entraîneur de l'équipe nationale, Alain Olivier Nyungeko, estime que la différence entre les deux équipes est au niveau de l'expérience. Alain Olivier Nyungeko promet de travailler dur pour que son équipe puisse atteindre le niveau des Sénégalais. Suivez. Moi, je pense en général, c'est l'expérience. Si on voit le jeu, comment on a joué, comment on a débuté le jeu et comment on a évolué, on a encaissé ces 2 buts, mais c'était par mes gardes de mes joueurs. Je dirais, je ne peux pas dire que ce sont des, chaque fois quand il y a des fautes, c'est là où il y a des buts. Mais je ne dis pas que mes joueurs n'ont pas mérité. Nous aussi, on a eu des occasions, mais la finition nous a été difficile. Mais ça a quand même, on a pu montrer un bon football. Et comme vous le savez, on joue à 2, c'est un qui gagne, c'est la loi du jeu. Mais chaque fois quand on perd, on ne peut pas se mettre beaucoup, on peut pas se mettre sur la tête tout. On a fait de nos mieux, vous avez vu sur le terrain, mais on continuera à travailler pour améliorer notre niveau de jeu. Alain Olivier Nyungeko, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale. Les Intamba mu Rugamba, signalons que dans la course vers la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le Sénégal devient la 5e sélection à décrocher son ticket après l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte et le Maroc. Rappelons en outre qu'au match aller, les Lions de la Teranga s'étaient imposés par 3-1 pour les Burundais. Voilà. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouaille pour la collaboration technique. Tout de suite, vous suivez la revue de la presse. Excellente soirée à tous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Guassa, en allié gênant, titre l'hebdomadaire Iwachu dans un éditorial. Qu'il plaise ou déçoive, Guassa reste un homme qui n'est pas allé à l'hémicycle de Kigobe pour applaudir seulement ou pour faire valoir. Iwachu revient ici sur les dernières descentes du premier vice-président de l'Assemblée nationale dans les provinces de Chibitoke et Karusi qui ont été empêchées par les gouverneurs. Probablement que parmi la population, il y a ses sympathisants, écrit notre confrère. Et cela ne peut pas plaire au pouvoir. La réaction des gouverneurs des deux provinces de le déclarer persona non grata alors qu'il est en mission de travail est une preuve d'intolérance politique. Au regard de ce qui s'est déroulé à Chibitoke et à Karusi, Agathon Rwasa apparaît désormais, quoique allié au pouvoir, comme un personnage gênant. L'agence Net Presse parle d'un alibi faux usage du budget qui rappelle. Elle revient sur une correspondance adressée mardi au chef de cabinet civil de la présidence de la République par le chef de cabinet de la présidence du Sénat. Alphonse Baranyicha estime qu'il est urgent que le gouvernement du Burundi puisse prendre des mesures pour suspendre temporairement l'octroi des 500 millions de francs-bou de budget promis par le président Nkurunziza dans le but de financer les projets communaux. Ce qui est étonnant pour l'agence en ligne, c'est la provenance de cette correspondance, à savoir la présidence du Sénat, qui apparaît comme un ordre qu'on donne à la présidence de la République de suspendre une promesse qu'elle n'est pas à mesure d'honorer. Et de conclure que Bujumbura est en pleine crise économique suite à la suspension des aides par les principaux donateurs, mais celui qui a écrit la lettre a trouvé un bon alibi de faux usage du budget. La dot, en prix ou en cadeau ? Le magazine Burundi Echo s'interroge. La dot qui constitue jadis un honneur pour les parents de la fille qui la recevait et la fierté pour les parents du garçon qui l'a payée n'a plus raison d'être appelée ainsi. Actuellement, et selon notre confrère, elle est un prix offert aux parents de la fiancée. La consistance de la dot dépend de plusieurs facteurs, dont l'éducation, la beauté physique et les exigences de la famille et de la fiancée, soutient-il. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse écrit sur une maman qui met au monde des triplés et qui demande une assistance financière. Il s'agit de Domine Nimbeshaho de la commune et province de Makamba au sud du pays. Elle a mis au monde trois fillettes à l'hôpital de Makamba. Elles sont en bonne santé selon le directeur de l'hôpital cité par l'ABP. Seulement, la situation financière des parents est précaire. Le père des enfants poursuit encore sa formation pédagogique au lycée. La BP écrit aussi sur un jeune homme poignardé sur fond de flagrant délit d'adultère en commune Butezi. C'est dans la province de Ruyigi. Le jeune homme, élève au lycée communal, est mort lundi dernier des suites de ses blessures lui infligées par son grand frère. Celui-ci affirme qu'il l'a surpris en flagrant délit d'adultère avec sa femme. La BP précise que le jeune homme qui a été tué vivait en harmonie avec sa belle-sœur pendant 13 ans. Seulement, la police de Ruyigi demande à la population d'arrêter de se faire justice. La gestion de la réserve naturelle forestière de Bururi, une nécessité selon encore la BP. Malgré des efforts consentis dans la protection de son patrimoine, il subit de fortes pressions et menaces. L'agence cite notamment le dépassement des limites par des populations riveraines, les feux de brousse, le passage du bétail, le prélèvement des plantes médicinales, la coupe et le sillage illicite. Cette forêt doit être protégée, soutient l'agence, en vue de faciliter l'accès des populations aux ressources forestières et promouvoir le développement de petites et moyennes entreprises. La forêt est un outil de lutte contre l'érosion, une source d'aliments divers et d'énergie, d'emplois et de médicaments. Iwachu revient pour parler des lieux d'aisance incommodants. Les toilettes de certains bars ou lieux publics sont devenues la bête noire de la junte féminine. Par crainte des germes infectieux, elles ont recours à différentes astuces. Pas question de poser mes fesses sur n'importe quelle toilette, tranche une jeune fille de la capitale. Elle explique qu'elle n'y va que lorsqu'elle a une envie pressante, sinon elle se retient. Un peu plus loin, une autre fille dira que se soulager dans des toilettes publiques est devenu une vraie séance d'acrobatie. Et à défaut de se retenir, écrit le journal, la pratique est devenue commune, le faire debout. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Mireille Kanyange et Léon Sebitadiho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.